Sort sa charrue pendant la nuit, à grands coups de poing, la bourre son lit. Il y avait un vieux dans le bas du fleuve, qui était caché dans le fond d'un bas, au fond du bas du Saint-Laurent. C'est qu'il y en a qui passent par là. Affaires, j'ai de quoi sur le cœur, j'ai pas le cœur à te dire. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quand tu vas tranquille chez vous, si à compter les hivers, puis à mêler des affaires, j'ai quoi sur le cœur, j'ai pas le cœur à te dire.